Chapitre 1. Au commencement d'avril, il a fait quelques soirées magnifiques. Par une lune pleine, toute ronde, suspendue dans la direction du champ de Mars, comme un superbe louis d'or, les Champs-Élysées, vraiment dignes de leur nom, semblaient un lieu de délices surnaturelles. Devant les cafés-concerts, qui n'avaient pas fait leur réouverture, des promeneurs attardés respiraient avec émotion les effluves du renouveau. Soudain, à l'entrée de l'allée des veuves, un fiacre, contenant une femme seule, s'arrêta. Le fiacre était payé. La femme se contenta de refermer bruyamment la portière et s'éloigna, non sans avoir adressé au cocher un familier signe de tête. « Eh bien, dit celui-ci du haut de son siège, il n'y a qu'à la regarder se carapater. Mince, elle vous a une jolie cuite, la particulière. » Il y avait de ça. Hortense ne faisait pas positivement des festons en marchant. Mais de la façon dont elle filait sous les beaux arbres, yeux allumés, frimousse au vent, chignon de travers, on devinait quelque chose de pas ordinaire. Ce n'était pas tant ce qu'elle avait bu là-bas, tantôt à la vacherie, lorsque la voiture avait fait halte. Non, s'il lui prenait à présent des envies de crier, de sauter, de se rouler sur le gazon ras, des pelouses, c'était du contentement, plutôt encore qu'un plumet en règle. Cette fille venait d'avoir de la chance. Dès 8h30, à peine sortie de table, en arrivant dans la grande allée, elle avait fait une bonne rencontre. Au nez des camarades jalouses, un étranger très sérieux, à lunettes d'argent, l'avait emmenée pour un tour en voiture. Aussi, des fiertés la prenaient, et levant en l'air son nez retroussé, elle regardait la lune, semblable là-haut à un beau Napoléon tout neuf. Elle en avait trois, elle, dans son porte-monnaie. De beau Napoléon tout neuf, à peine 11 heures, et avoir déjà fait 60 francs. Disposée à accepter une nouvelle promenade, elle recommençait à sourire aux passants bien mis, lorsque tout à coup, non loin du café du chalet, elle se trouva nez à nez avec Chichite, qui lui dit à brûle-pourpoint. « Bonsoir, Payse, tu vas me payer quelque chose ?»